Continuer tous les jours pour surmonter. Elle me donne du sourire aux lèvres. Je l'aime. Je me sens bien parce que j'ai mon roots. Je me sens bien parce que j'ai mon roots. Mon roots, man. I feel good. I feel good. Digital Nico. Je me sens bien parce que j'ai mon roots, man. I feel good. La musique coule dans le sang de ceux qui s'aiment. Elle coule comme un torrent, c'est elle qui coule dans nos veines. Comment ne veux-tu pas qu'on danse, comment ne veux-tu pas qu'on l'aime. C'est elle qui remplit notre cœur de joie et nos peines. La musique coule dans le sang de ceux qui s'aiment. Elle coule comme un torrent, c'est elle qui coule dans nos veines. Comment ne veux-tu pas qu'on danse, comment ne veux-tu pas qu'on l'aime. A fi ou good, a fi ou good, a fi ou good. Je me sens bien parce que j'ai mon roots, man. Mon roots, man. I feel good. Je me sens bien parce que j'ai mon roots, man. Mon roots.